Si vous voulez dire « j'attends », en ce moment même, « je suis en temps d'attendre », on avait vu qu'en espagnol, on dit littéralement « je suis espérant ». « Je suis »,« estoy », suivi de la forme « un en ». Si c'est un verbe « en ar », on aura « ando ». Donc, « esperar » devient « esperando ». « Ando », à ne pas confondre avec « ado », qui nous plongeait dans le passé. Comme par exemple « j'ai attendu », qui se dit « et esperado ». Esperado. Esperado. Et esperado. J'ai attendu. Avec ça, on plonge dans le passé. Esperado. Je suis sorti tard, se dit. Comment dit-on sortir? Salir. Bien. Donc, je suis sorti tard. En espagnol, pour plonger dans le passé, on a besoin du verbe avoir. Haber. Jamais être. Haber, qui est le plongeoir. He salido tarde. Bien. He salido tarde. He salido tarde. Donc, suivant la catégorie du verbe, on plonge dans le passé avec ado ou ido. Tandis que, pour dire ce qu'on est en train de faire, on a un en plus. Ando, pour le verbe en ar, et yendo à la fois pour les verbes en er et en ir. Alors, comment direz-vous j'attends dans le sens de je suis en train d'attendre? Estoy esperando. Bien, estoy esperando. C'est une autre manière d'exprimer le présent. Donc, vous pouvez dire j'attends, espero, je vous attends. Les espero, ou si vous voulez utiliser la forme en un pour dire je suis en train de vous attendre, les estoy esperando. Comment dites-vous je le fais? C'est l'un des deux petits verbes qui vont de pair. Hago. Le, je le fais. Lo hago. Lo hago. Et si vous voulez dire je suis en train de le faire, ça sera estoy lo comment dit-on je le fais? Lo hago. Lo hago. De la même manière, je suis en train de le faire, ça sera en espagnol on dit littéralement le je suis faisant. Donc lo estoy. Lo estoy, oui. Je suis en train de le faire, c'est-à-dire faisant. Haciendo. D'accord. Lo estoy haciendo. Donc, pour exprimer ce que vous êtes en train de faire, vous employez estar suivi de la forme en un. Qui finit en ando pour les verbes en ar, par exemple estoy esperando, et en yendo pour les autres verbes, par exemple lo estoy haciendo, je suis en train de le faire. Dans le cas du verbe decir, c'est diciendo et non defiendo, comme on pourrait s'y attendre. De la même manière qu'au présent, il dit. C'était « dice » et non « défé ». Donc, on retrouvait ici le « e » de « decir » qui devient « i ». Alors, comment direz-vous « qu'est-ce que vous dites ?» Littéralement, « qu'est-ce que vous êtes disant ?» Pour poser la question à « usted ».« Qué está ?» diciendo. Oui, c'est ça, diciendo. Le e de decir devient i. Diciendo. Que está diciendo. Et je ne comprends pas ce que vous dites. Ce que vous êtes en train de dire. Je ne comprends pas ce que vous dites. No entiendo. No entiendo, oui, ce que... Lo que... Vous dites, hein? Vous êtes en train de dire. Está diciendo. Très bien, diciendo. Donc, no entiendo lo que está diciendo.